Les filles que je fréquente ne veulent plus rien savoir de moi au bout de 2 mois. Les filles qui me fréquentent ne veulent plus rien savoir de moi au bout de 2 mois. Pourquoi, bon Dieu, est-ce que je tombe toujours sur des cinglés, sur des filles très jolies à l'adolescence perturbée? Les filles que je fréquente ne veulent plus rien savoir de moi au bout de 2 mois. Est-ce que je suis trop con ou trop jaloux ou amoureux? Peut-être un peu alcoolo, trop fan de Dev et d'Eduardo. Les filles que je fréquente ne veulent plus rien savoir de moi au bout de 2 mois. Moi pourtant je les aime, mais elle me crie dessus en me disant: Tony, je ne te supporte plus. Les filles que je fréquente ne veulent plus rien savoir de moi au bout de 2 mois. Oui, les filles que je fréquente ne veulent plus rien savoir de moi au bout de 2 mois.